Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. Jean-Pierre Gay, John Blouin et Gaétan Gosselin avec vous ce soir. Salut, Jean-Pierre. Salut. Salut, Gaétan. Alors, on a eu une transition un peu rapide entre les deux émissions. Voilà. Alors, ce soir, nous avons deux volets. Nous allons vous présenter en première demi-heure une entrevue que nous avons réalisée. D'ailleurs, cette émission ce soir est la dernière qui se situe dans le cadre du mois multi de la 16e édition. Alors, ce qu'on va avoir comme entrevue ce soir en première demi-heure, c'est Jean-François Laporte, avec lequel on a fait une entrevue, Gaétan et moi. Et en deuxième demi-heure, nous aurons John avec un artiste que tu as interviewé qui était au cercle et qui s'appelle... C'est de Jérusalem in My Heart. Ils sont deux, je vous en parle. C'était une superbe entrevue, un show incroyable. Parce que ça va m'amener à vous parler à quelque chose que j'aime énormément, c'est le lien entre l'image puis le son. Lorsque les deux viennent se rejoindre, il y a quelque chose qui s'appelle du cinématographique, puis c'est une de mes quêtes. Ben oui, puis la cinématographie, c'est un peu ton domaine aussi. Alors, on va tout de suite y aller avec la première entrevue avec Jean-François Laporte, que nous avons réalisé, Gaétan et moi, lors du mois multi. Jean-François, bonjour. Bonjour. Hey, ça fait une mèche qu'on s'est vu, de faire une dizaine d'années, je pense, ouais, au lieu. Ça, une dizaine d'années au lieu. Là, maintenant, tu es ici. Ton travail a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. On dirait qu'il a pris de l'expansion. Oui. Puis, tu fabriques toujours des instruments. Qu'est-ce que tu nous présentes ici au Mois Multi? Je présente un projet qui s'appelle L'Air du Temps, qui fait référence, en fait, L'Air du Temps. L'ère du temps, on est à l'ère du temps. Ben oui, hein? Ben oui. Surtout avec l'arrivée et l'invasion des nouvelles technologies. On est dans le temps, puis le temps, puis le temps qui court. Voilà. Ça, oui. Et puis là, parce que c'est aussi que des instruments à vent qui sont alimentés par de l'air comprimé et après contrôlés par des interfaces tactiles ou joués par Internet ou peu importe. Mais l'idée, en fait, de ce projet-là, c'était de créer une plateforme numérique de création. Donc, pouvoir se servir du numérique pour créer, pas nécessairement du numérique, mais au travers du numérique. Donc, comme un outil de contrôle, un outil qui... c'est des outils qui sont tellement perfectionnés. Donc, Donc c'était aussi de mettre ensemble des gens qui ne sont pas nécessairement dans le même lieu, mais qui peuvent être à l'extérieur même du pays et de pouvoir travailler ensemble via le numérique. C'est pas à la base de ce projet-là, c'est pas tant que les gens travaillent ensemble, dans le sens, moi et toi, on fait un concert, mais plutôt de donner accès à ces instruments-là à monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est la phase phase 3 qui serait la phase finale, si on veut, du projet. Là, on en est à la phase 1, qui est déjà... Parce que, je suis compositeur de musique, je travaille beaucoup avec des compositeurs à qui je demande d'écrire des œuvres pour mes instruments. Jusqu'à maintenant, c'était surtout des œuvres pour instruments solistes, avec mélangé avec de l'électronique, du traitement matériel, une bande, l'amplification, peu importe. Et je m'étais rendu compte au fil des années que la seule façon de travailler... en tant que compositeur, si on me demande d'écrire une pièce pour piano, je vais à l'école, j'en trouve un piano, puis je fais mon travail. Ou sinon, je peux même prendre le livre, puis regarder dans le livre et travailler en fonction de ce que le livre dit. Dans le cas des instruments inventés, Il n'y en a pas, il n'y a pas de recette. On est en train de développer la lutherie, de développer la manière de le noter, qu'est-ce qu'on peut faire avec, les limites, les contraintes, les possibilités. Et j'étais toujours tributaire de soit que les gens viennent à l'atelier où les instruments sont, ou attendre que moi je sois en tournée dans le coin où le mec qui fait sa composition, pour qu'on puisse discuter, échanger. Après, on a commencé à faire des vidéos, des instruments. Bon, ça l'a aidé un peu, mais l'étape où on en est là, c'était de donner accès via la téléprésence aux instruments, comme si les gens, ils venaient, en fait, à l'atelier, ils peuvent travailler avec les instruments, ils ont des caméras vidéo, ils ont des micros qui sont sur chacun des instruments, ils peuvent écouter. Il y a une interface de composition... place de composition. Est-ce que ça veut dire que le public qui va assister à ta représentation mm-hmm. va pouvoir participer, va pouvoir toucher, jouer des instruments? Non, pas dans ce cas-ci. Mais éventuellement? Éventuellement, oui. On a, j'ai commencé avec mes installations à faire un mode iPad, que j'appelle. Mm-hmm. Donc, quand les gens se mettent sur le mode iPad, donc qu'ils ont un iPad, ils peuvent contrôler une partie des instruments mm-hmm. ou du traitement, ou peu importe. Ils ont un accès aux instruments et est-ce que ça donne. Après, s'ils veulent juste écouter l'installation ou des pièces de musique, mm-hmm. il y a un mode installation. Mm-hmm. Tu appuies sur installation, l'installation part et ce que j'ai composé se met en branle et joue autant que ça l'a à jouer. Qu'est-ce qu'on, ce soir, c'est ce soir et demain, à quoi on peut s'attendre comme représentation? C'est 5 créations, mm-hmm. donc 5 pièces qui ont été commandées à des compositeurs, dont moi, mm-hmm. et un compositeur anglais, Michael Edwards, un Parisien, Benjamin Tickpen, 2 Canadiens, Zach Zettel et Michel Setta, qui ont travaillé avec la plateforme, qui sont venus en résidence aussi à l'Espace Totem, qui sont venus ici à Recto Verso, mm-hmm. pour travailler avec les instruments, travailler avec la plateforme, régler les problèmes qu'il y avait, relever les nouveaux défis. Donc c'est un projet assez passionnant. Et donc ce soir, c'est l'avant-première, si on veut, de ces 5 pièces-là, qui seront reprises aussi dimanche à Montréal, dans le Festival Montréal Nouvelle Musique. Faveur que tu nous fais ici à Québec de tester ces pièces-là? Oui, c'est aussi une grande faveur que Recto Verso et le Festival Momenti me fait parce que c'est quand même... on a eu un accueil incroyable. Avoir accès au studio de C 24 heures sur 24, c'est quand même un luxe qui est de plus en plus rare dans le monde contemporain. On apprécie beaucoup parce que on les a pris les 24 heures. Oui, on a vu que vous travaillez tard le soir. Travaille tard le soir, tôt le matin. C'est des pièces installations, si on veut. Donc, c'est pas un concert assis à l'italienne ou face à une scène. Et, là, on est vraiment sur un concert où on circule dans l'installation, on trouve sa place, on peut changer de place en cours de route. Si, pour X raison, on se trouve trop près d'un instrument ou si on a envie d'en avoir un autre qui est en train de sonner plus loin, on peut se déplacer. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de meilleure place et à chacun à faire son expérience. Son expérience, c'est ça. Jean-François, parle-nous donc de la quarantaine d'instruments qui vont être déployés ce soir. Ben, c'est ça. La plateforme, en fait, l'idée, c'était de donner accès à mes instruments et afin de créer un truc qui a assez de richesse, qui a assez de spec, qui a plein de variations possibles, j'ai incorporé dans le projet 4 de mes instruments inventés. Les tuyaux télescopiques, les membranes vibrantes, les tubes, qui sont des sortes de flûtes en harmonie, et les The Pipe, qui sont les deux solistes de l'installation. Et tout ça est installé, suspendu dans les airs. Donc, on circule, nous, il n'y a rien dans les jambes, il n'y a pas, pas d'obstacle. On est libre de se créer son propre parcours musical. Ces instruments-là jouent de façon autonome. Qui les anime? Ils sont tous animés avec de l'air comprimé et contrôlés par il y a différentes, vous allez voir ce soir, il y a différentes techniques. Moi, j'utilise une surface tactile, un iPad, par exemple, pour contrôler les différents instruments. Il y a Zach Zettel qui utilise une Kinect, donc qui danse devant la Kinect, et c'est ses mouvements, ses gestes qui génèrent sa pièce. Michel Seta, il y a une espèce de boule avec des gyroscopes, plein de trucs dedans, donc il se promène avec ça, qui la manipule. Michael Edwards, c'est un compositeur qui fait surtout de la musique algorithmique. Donc lui, il a imaginé une espèce de monde avec les sons qu'il avait entendus. Et sa pièce est toujours générée en temps réel en fonction de certains paramètres que lui a mis. Et Benjamin Tickpen, c'est une pièce où il utilise tous les instruments. Donc, c'est à la fois visuel et sonore, ce spectacle-là. On voit les instrumentistes se déployer dans la place. On voit les instruments, on voit les instrumentistes. On peut venir super proche des instrumentistes, des instruments, et on se déplace, en fait. Donc, on crée, en fait, on interagit avec ce qu'on entend, sans nécessairement contrôler le résultat, mais au moins contrôler ce qu'on a envie d'entendre. Merci beaucoup pour cet entretien, et puis on va se voir ce soir pour cette représentation où on va avoir l'occasion donc de se déplacer au gré de notre fantaisie. Merci à vous. Faut pas que je fasse j'ai un tic, hein, c'est celui de quand je suis content de quelque chose, j'ai le don de faire Cela dit, c'était Jean-François Laporte. Ça me faisait penser, moi j'ai un disque de lui qui a été produit lors des symphonies portuaires. Et il y a des résonances là-dedans, il y a des sons qui avaient l'air vraiment de sortir des silos à grains du port de Montréal, parce que Jean-François en a réalisé une symphonie portuaire à Montréal. Ben, je pense que c'est tout à fait, c'est tout à fait pertinent, Jean-Pierre, parce que il y a une des pièces qui a joué ce soir qui s'intitule Dans le ventre du dragon et qui a été captée dans une coque de navire. Donc, ton intuition est très, très, très, très juste. Écoute, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette demi-heure, Gaétan, et c'est la journée des femmes aujourd'hui, fait qu'on avait pensé, entre autres, commencer l'émission, puis on va terminer cette première demi-heure parce qu'on n'a pas pu le faire en début d'émission. Alors on va terminer cette demi-heure avec un groupe mythique, je dirais, dans la chanson alternative du Québec, Les Poules. Oui, alors probablement que c'est un choix inconscient parce qu'on vient d'entendre Jean-François Laporte et je réalise que le titre de cette pièce des poules qu'on va faire jouer s'intitule La porte immense. Alors c'est pour te dire comment on a de la suite dans les idées. Cela dit, rappelons que les poules c'est un collectif de trois femmes. Mm-hmm. Joanne Etu, Diane Labrosse et je te fais jouer Jean-Pierre, mais c'est Daniel Pellardier-Roger. Et trois femmes qui œuvrent au sein d'un collectif depuis plusieurs années. Leur dernier album tout de même date de 2008, qui s'intitule Phoenix, et sur cet album-là qu'on retrouve la pièce Cette porte immense. Et on va entendre là, je dirais, des arrangements d'instruments saxo, bouche, bruit fait avec le corps, avec la bouche. Alors, une pièce que l'on dédie à toutes les femmes du Québec. Le 7, 28 et 29 mars, c'est le Radiothon 2015 de CKRL. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Venez vivre votre révolution tranquille du 27 au 29 mars à CKRL. Voudrais-tu devenir ma révolution? Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'Aérospatiale, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'Aérospatiale, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Le groupe de Simplicité volontaire de Québec et le Théâtre Complice présentent une causerie avec Henri-David Thoreau, premier écologiste politique ayant inspiré Gandhi, Martin Luther King et Mandela. Une lecture et discussion sur 3 œuvres majeures de Thoreau, La désobéissance civile, Walden ou La vie dans les bois et La vie sans principe. Une mise en lecture et animation par Denis Lavallou avec la collaboration de Jean-François Blanchard et Marcel Pomerleau. Une causerie avec Henri-David Thoreau, lundi 16 mars, 19h30 à Premier Acte. Billets disponibles au coût de 20$ sur lepointdevente.com. Salut, c'est Tire le Coyote, parrain d'honneur du Radioton 2015 de CKRL. Soyez prêts à vivre une révolution tranquille les 27, 28 et 29 mars prochains. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, deuxième demi-heure de l'aérospatiale, non pas de l'aérospatiale, de l'accroche-oreille, un vieux réflexe, des choses qui viennent tout seuls comme ça. Alors, deuxième demi-heure de l'accroche-oreille, toujours Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Gay et John Blouin avec nous pour cette deuxième demi-heure. Mais avant de te parler, John, je veux juste vous rappeler, chers auditeurs, que vous l'avez entendu à la pause publicitaire, Tire le Coyote, qui vous rappelle que du 27 au 29 mars, donc de très bientôt, le Radioton de CKRL, c'est le gros moyen de financement de la station. Ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen vraiment important. Et c'est d'autant plus important que c'est une fin de semaine où il va y avoir toutes sortes d'émissions spéciales. Alors, écoutez, vous pouvez même d'ici là faire un don et vous rendre admissible pour un tirage qui aura lieu à l'ouverture du Radioton, un tirage de prix d'une valeur de 150$. Alors, John, deuxième demi-heure avec un show que tu as eu l'occasion de voir au Cercle dans le cadre du mois multi. Oui, c'est un show assez extraordinaire. C'est Jérusalem in My Heart avec Radouane, puis avec des projections faites par Charles-André Coderre, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de travail avec la pellicule, qui fait aussi des films en lien avec ça, mais qui fait en sorte que de la façon qu'il travaille l'image, surtout avec Radouane, il y a comme une communion entre les deux. Souvent dans les shows de musique ou à peu près tous les shows, on dirait que ça prend tout le temps des putains de projections. Puis souvent ça fonctionne pas, ça va pas se rejoindre. Puis l'endroit que je trouve intéressant, c'est ce point de rencontre là, quand c'est pas quelqu'un qui fait des images puis que l'autre il s'en fout puis qu'il regarde pas. Lorsque les choses sont travaillées ensemble, c'est là que qu'il arrive des choses extraordinaires. C'est là que c'est pas juste un show de musique, ça devient une œuvre d'art en soi. Mm-hmm. Là. C'était fait en direct, la relation entre les deux? Ou c'est... Oui, c'était totalement direct. Il y avait, je pense qu'il devait avoir une centaine de boucles 16 mm, 4 projecteurs 16 mm. On va voir dans les entrevues que Radouane, il sent la lumière. Tu sais, c'est vraiment une expérience de grande ouverture que j'avais vue la première fois au Festival de musique actuelle à Victo. À Victo. Ça avait été une... Puis c'était dans leur première fois qu'ils le faisaient. Puis ça, ça avait été une grande expérience de autant visuel que sonore. Puis j'étais content de pouvoir voir ça au Cercle, d'autant plus que le Cercle, ils ont une grande ouverture sur l'art actuel. Puis ça, ça cadrait exactement avec qu'est-ce qu'ils font. Ben écoute, on n'aura pas l'aspect visuel ce soir à la radio, mais on a au moins l'aspect sonore et l'entrevue que tu as réalisée avec Radouane. Alors, on y va. Je vais commencer parce que je pense que ça va faire le lien un peu. Ouais, je vais mettre en contexte. Moi, ça fait quand même longtemps que le projet existe et depuis le début, j'avais un peu ce désir d'avoir un projet qui était plutôt un style d'installation, c'est-à-dire qu'il y a un côté performatique, un côté sonore, un côté moving images, comment on dit ça en français, images en mouvement. Et évidemment, comme tu dis, présentement, on est un peu dans un phase où est-ce que le performance, le show entre guillemets live, c'est beaucoup de gens sentent que faut vraiment toujours avoir quelque chose à regarder. On dirait on a perdu cette espèce de respect pour le public. On a perdu le respect pour l'attention d'un public. Donc beaucoup de groupes. Il y a toujours un écran derrière eux et évidemment des années qu'on voit ça. Et c'est tellement rare qu'on voit quelque chose pour moi qui est là plus qu'un décor. C'est souvent un décor, c'est souvent... Et j'ai rien contre ça dans le sens que oui, c'est beau, c'est correct, mais moi, c'est tellement... mon instinct, c'est toujours de comme juste déconnecter. Ça devient juste background. C'est comme l'éclairage pour moi, être dans un show. Et je suis sûr pour un éclairagiste, pour lui, c'est de l'art. Pour quelqu'un qui connaît rien de l'éclairage, c'est que des lumières, c'est beau. Pas plus que ça. Mais pour moi, personnellement, c'est très important d'avoir cette espèce de relation entre qu'est-ce que ce soit, toutes les sensations soient un peu excitées par une performance, autant nos oreilles que nos yeux et que nos corps. Et Charles-André, évidemment, ses œuvres sont tellement... They do just that. Ils font vraiment ça pour moi. C'est vraiment genre des images qui communiquent énormément, autant que la musique peut communiquer à moi. Et de travailler avec lui, de faire ce travail ensemble, c'est très organique pour moi. C'est vraiment comme une création qu'on fait ensemble. Pour essayer de présenter quelque chose à un public, pour faire un peu réflexion par rapport à qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça, la rencontre a eu lieu un peu, mais pas par hasard, je veux dire, mais c'était, on se connaissait légèrement, mais c'était juste comme, lançons à ça, on va voir qu'est-ce que c'est. J'ai déjà vu un peu de travail de Charles-André, et j'étais comme, j'ai l'impression que Charles-André va apporter... une autre dimension au projet et ça surpassed my expectations mille fois. Et tout de suite, on a eu vraiment un genre de dialogue très, très clair entre nous. Et je, dans mon avis, ça se voit dans les performances. C'est vraiment, comme tu dis, il n'y a pas un qui court après l'autre. C'est vraiment un symbiotic relationship. C'est vraiment un qui est très... on a fait un show il y a une semaine et pendant le spectacle, moi je vois pas les images hein, parce que moi je suis dos à l'écran face au public, mais je suis tellement conscient de ce qu'il est en train de faire. Même si je le vois pas, je vois juste des spots blanches qui sont dans mon visage, mais je suis tellement capable de savoir qu'il y a un peu un truc qui est pas en dehors du norme, projecteur qui fait un bruit bizarre. Donc je sens vraiment qu'il y a un fil qui va de la scène au projecteur, du projecteur à la scène, et il y a toujours une communication. Thank you. côté de ça que là maintenant c'est devenu un peu une habitude, mais j'aime ça un peu de ne pas savoir trop qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment souvent je peux voir un petit clip d'un truc live qu'on a fait et je vais être comme ah bon ok c'était ça, waouh, ça garde ça hyper frais pour moi. Mais je pense aussi que ça l'a beaucoup changé. Tu sais, justement, tu as parlé de Victo tantôt, là. C'est dans nos premiers shows ensemble. Puis quand même, je pense de show en show, c'est un work in progress que moi, je m'ajuste aussi. Tu sais, que je vois les images. C'est comme si c'est moi un peu qui ai la vue d'ensemble, que je peux tout le temps m'ajuster. Puis je pense à chaque spectacle, je me dis, ah, oh, j'aimerais ça modifier ça. Je refais des images. C'est tout le temps continu. Je pense que ça, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte, comme tu dis, le côté frais qui est tout le temps spontané qui est là. C'est que, on dirait que j'ai jamais voulu, je pense, de mon côté, que ça soit un show fixe. À chaque fois, j'essaie de le modifier, mais en même temps, les machines ne le permettent pas. Mais je cherche pas non plus à avoir un timing, je pense. C'est très vivant. Il y en a un, mais ça change tout le temps. Je veux tout le temps travailler, en fait. C'est tout vraiment j'ai jamais arrêté, comme, ah, ça, c'est le truc parfait. Je suis tout le temps... Et ça, c'est qu'est-ce que ça fait? C'est jamais la même chose. C'est jamais. C'est impossible. En fait, je trouve que ça sera plus dur si on voulait faire la même chose des fois. C'est quasiment impossible. Dépendant du type de musique, ouais. est-ce que tu travailles tes images plus à la rythmique, plus à la texture, parce que c'est très texturé, ouais. Puis la musique qu'il y a avec ce projet-là, il est très texturé aussi. C'est pour ça que je trouve que les deux viennent se rejoindre, parce que c'est près du souffle. Ben, c'est pas mal. Ça dépend, je pense. Je pense que ça a beaucoup évolué aussi par rapport... dans le projet, au début, je connaissais déjà Jérusalem and My Heart, que j'avais déjà une idée de, des shows précédents. Un peu, je connaissais l'univers. J'avais déjà vu Radon plusieurs fois en spectacle. Qu'on dirait le fait que je connaissais, j'avais déjà un bagage avant d'être dans le projet. Que là, on dirait qu'il y a eu ça en premier. Puis après, je pense que c'est vraiment de show en show. Des fois, je m'ajuste, je me dis, ah, j'aimerais vraiment qu'avec le beat de la chanson, du morceau, ça soit vraiment ensemble, connecté. Des fois, je me dis, il faudrait vraiment que je crée le décalage pour ouvrir ailleurs si la pièce est plus slow. Puis là, moi, je vais très rythmique pour que ça l'ouvre à quelque chose d'autre dans l'imaginaire des gens. C'est vraiment comme un jeu constant, mais c'est beaucoup aussi au feeling de la soirée. Mm-hmm. Comment l'air, ça public, se présente. Ouais, puis, ouais. Si je chante que le Radon, c'est là, finalement, son solo de bazook, au lieu de le faire 2 minutes, il fait 7 minutes. Mais là, ça change la donne. Puis, ou si ça casse, puis là, il faut que je m'ajuste. Il y a beaucoup aussi d'impro live. Là, puis, ouais, c'est ça qui est fun à faire. Là. Ça, c'est qu'est-ce que ça vient pas un petit feu en dessous de nous là. C'est toujours comme qu'est-ce qui va se passer. C'est tellement, on fait les deux disciplines. Il y a tellement le potentiel pour des erreurs, des problèmes. Rattraper les problèmes. C'est ça. Jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à la fin du show de dire bon, c'était intéressant. Au moins, c'est ça. C'est comme, c'est peut-être pas le meilleur truc qu'on a fait, mais on doit quand même dire ok, mais on a bien fait quand même. Ça, c'est surtout aller en parlant aux gens après là, que c'est toujours moins pire que dans notre perception. مليحتي في الغمام الأسود Ça, justement, on parle du show qu'on a fait il y a une semaine à Hambourg. Moi, pendant le c'était dans le cadre d'un festival de musique classique qu'on jouait. C'était un peu le festival voulait expérimenter avec d'autres formes. Et mon impression de la scène, c'est que la soirée allait très mal. Je jouais, j'étais comme mon Dieu, je sens aucune être dans cette pièce. Il y a je sais pas 200 personnes ici et personne aime ça. Et c'était le choc à la fin que les gens ont adoré. Mais dans le moment, tu es comme, oh boy, ça va très mal. Là, j'ai envie de couper ça vite. Là, maintenant, je suis un peu gêné. On sent quand les gens s'abandonnent. Puis on les sent moins quand il y a une retenue. Ouais. Mais peut-être la retenue, des fois, c'est un abandon interne. Ouais, voilà. Voilà. Peut-être ça, on a senti ça un peu comme puis ça. Puis il y avait ça, c'est une des fois que mes projecteurs faisaient beaucoup, beaucoup de bruit. Parce que j'avais des lights pas des reels, que ça faisait un tapage pas possible. Puis les gens, habituellement, les gens, ils me regardent. Des fois, ils aiment ça, ils regardent un peu comment je bouge, peu importe les machines. Mais là, les gens se retournaient continuellement parce qu'ils pensaient que tout allait lâcher. Et moi aussi, je pensais ça. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait, Charles? Il y avait un feeling différent parce que j'avais plein de madames tout le temps, là, comme vraiment, qui se retournaient comme si je les dérangeais. À l'heure, je dérangeais par moment, j'avais l'impression de déranger le spectacle. C'est génial. À cause de ce dérangement-là, ouais. Est devenu le spectacle. Ouais, ouais. Et qui, tout à fait, c'est, pour moi, c'est super quand ouais. C'est ça. Ça me fait penser, qu'est-ce que tu as dit, des fois tu n'as pas un lien direct avec l'écran, mais tu as un lien avec les pulsations, voilà. Les pulsations, exact, des faisceaux, le son un peu des projecteurs. Ouais. Puis ça me fait penser avec une petite phrase de McLaren, Norman McLaren, qui disait, en gros, c'était entendre les images et voir les sons. Voilà, exact. C'est famous quote, ouais. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ouais. vraiment ça. Puis moi, je vois rien. Je suis trop dedans. Moi, je vois rien partout. Après, des fois, le show, je me rappelle même plus ce que j'ai mis. Ouais. Je comprends le principe. Ouais. Ouais, merci. Ouais, ça nous fait plaisir. Hey John, super... j'ai fait mon petit yum encore. Super rencontre, hein, dans tous les sens du mot. Là, toi avec eux, eux entre eux, c'était vraiment très bien. Très bon. C'est des gens qui travaillent sur, sur la présence, puis mm-hmm. C'est ce genre de show-là, de performance-là, c'est des performances sur la présence, l'expérience. Mm. Il y a des moments où est-ce que t'as les yeux fermés, puis tu regardes peut-être plus vers l'intérieur, puis après ça, t'en revires, puis c'est l'ouverture de monde imaginaire aussi, là, comme Charles-André disait. Puis j'inviterais les gens à aller sur Internet. Je pense qu'il y a un album complet que vous pouvez voir. Sur SoundCloud. Puis ce que vous avez entendu, la dernière extrait, c'est justement sur une performance qu'il y a eu en Europe. Donc, allez voir aussi les images de Charles-André Coderre qui vient justement de terminer le vidéoclip, un des derniers vidéoclips de Jérusalem in My Heart avec Son. Mm-hmm. Ben merci beaucoup John pour cette belle rencontre, ça a été vraiment intéressant. Ben on se laisse là-dessus. Vous dire aussi que vous pouvez réentendre toute cette émission sur lacrocheoreille.wordpress.com demain à partir de quelque part à mi-journée, Gaétan. En fin de compte, sur le site de CKRL, on va dire ça comme ça, Jean-Pierre, sur le site de CKRL, Accroche-Oreille, on va retrouver le balado-diffusion immédiatement après l'émission. Et en cours de semaine, on le retrouve sur le site d'Accroche-Oreille pour une archive là, qui va rester très longtemps, alors que pour le rappeler que le balado CKRL est là pour une période. Et est disponible dès après l'émission. Voilà. Ben merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci, Gaétan, pour cette prestation, pour ce bon choix musical. Hein, toi et John, vous avez fait une belle paire. Et on se laisse encore sur cette musique de Jérusalem in my heart. Et on vous dit à la semaine prochaine. Téléchargez la croche-oreille sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Le Radiothon de CKRL aura lieu du 27 au 29 mars prochain. Posez un geste de soutien concret pour votre radio.